I want to look at some citizenry, because you saw that list. Je désire voir quelques citoyennetés, parce que il a vu cette liste. In that book, dans ce livre, is a list of citizens of heaven. C'est la liste des citoyens des cieux. It's a ledger, a register of them. C'est un grand livre, un registre de ceux-ci. I want to look at some citizens of heaven. Je désire voir quelques citoyens des cieux. In other words, I'm saying this finest linen. En d'autres termes, je dis ce lin le plus fin, bright and clean, éclatante et pur. I have come to announce today. Je suis venu l'annoncer aujourd'hui to the church, à l'église. This is actually the dressing code of heaven. C'est en fait le code d'habillement des cieux. If you asked me that I've seen in there, si vous me demandez ce que j'ai vu là-bas, there is more to what I'm saying. Il y a plus que ce que je dis. This is a must wear. C'est quelque chose que nous devons vêtir. There is no discussion on this thing. Il n'y a pas de discussion là-dessus. That's why even me when I come, my coordinates are very tight and narrow. C'est pourquoi même moi, quand je viens, mes coordonnées sont très serrées et étroites. There's no way to discuss it. Il n'y a aucun moyen d'en discuter. Democratize it, open up the space a bit for discussion, debate, no. Pour le démocratiser, ouvrir un peu l'espace pour une discussion, le débattre, non. This is a must wear. C'est une obligation à revêtir. I'm telling the church she must wear this coming. Je dis à l'église, elle doit revêtir ce vêtement. For me, I have seen. I have seen. The Lord has brought me before the throne room. Pour moi, j'ai vu. Le Seigneur m'a emmené devant le trône. Actually, he called me at the throne room. En fait, il m'a appelé à la salle du trône. When he made me kneel down on that golden walkway, and then the glory came. This same cloud came and sat on the mercy seat of the ark of the covenant of the Lord. Quand il m'a fait m'agenouiller dans cette allée d'or, et la gloire est venue, cette même nuée est venue et s'est mise sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance du Seigneur. At the throne position. À l'emplacement du trône. And you see the cherubi of glory walking. Et vous voyez les chérubins de gloire marcher. Before that, carrying and were walking sideways. Devant cela, portant et ils marchent sur le côté. Holding with their head down by sideways. Portant avec leur tête penchée sur le côté. Taking the ark. There's so much there. Prenant l'arche, il y a tellement là-bas. But I want you to look at some of the citizens of heaven. Mais j'aimerais que vous voyiez quelques citoyens des cieux. That you may understand the gravity of the righteousness I'm talking about. Pour que vous puissiez comprendre l'importance de la justice dont je parle. That you may know that this is a make or break. Pour que vous puissiez savoir qu'il faut le faire ou le briser. To whom much is given, there is much expected. À qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Can we look at some of the citizens of heaven? Pouvons-nous voir quelques citoyens des cieux? Revelation 19, verse 14, please. Apocalypse 19, verset 14, s'il vous plaît. And see what they are wearing, so that you may know it is a must wear. Et voyons ce qu'ils portent, pour que vous puissiez savoir que c'est un devoir de se vêtir. Verse 8 is what we have been dealing with. Le verset 8 est là où nous allons nous arrêter. Can I just refresh your mind here before we read? Puis-je juste rafraîchir votre pensée ici, avant que nous lisions? The Lord has not yet come. Le Seigneur n'est pas encore venu. And he has sent me to prepare his way. Et il m'a envoyé pour préparer son chemin. In verse 8. Au verset 8. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. In other words, go and tell them they must now prepare this garment. En d'autres termes, va et dis-leur, ils doivent maintenant préparer ce vêtement. Tell them they are the priests of this garment. Dis-leur qu'ils sont les prêtres de ce vêtement. Tell them they are the generation of the garment. Dis-leur qu'ils sont la génération du vêtement. Tell them this is the hour of that garment. Dis-leur que c'est l'heure de ce vêtement. That's the preparing before. C'est la préparation avant. But now when they enter, mais maintenant, quand ils entrent, you'll see the same garment in verse 14. Vous verrez le même vêtement au verset 14. Revelation 19:14. Apocalypse 19:14. Alléluia. Alléluia. Then he says the following. Ensuite, il dit ce qui suit. The armies of heaven were following him. Les armées des cieux le suivaient. Riding white horses. Chevauchant des chevaux blancs. And dressed in fine linen, white and clean. Et vêtus de fin lin blanc est pur. The heavenly hosts. Les hôtes célestes. That's just one group of the citizenry of heaven. C'est juste un groupe de la citoyenneté des cieux. The heavenly hosts. Les hôtes célestes. Were coming with him, dressed in fine linen, bright and clean, was given them to wear. Venaient avec lui, vêtus de fin lin éclatant et pur qui leur était donné pour se vêtir. One group of citizens of heaven. Un groupe de citoyens des cieux are wearing this garment. Porte ce vêtement. One group of citizens are wearing this garment. Un groupe de citoyens porte ce vêtement. The garment of righteousness. Le vêtement de justice. For me it's different because I've been there. The Lord has taken me up there. Pour moi c'est différent parce que j'ai été là-bas. Le Seigneur m'a emmené là-bas. And I've seen that they are wearing this. But I want to bring now this to you. Et j'ai vu qu'ils mettaient cela, mais je désire vous amener cela. That you may know that this garment is a must. Pour que vous puissiez savoir que ce vêtement est un devoir. For the church to enter. Pour que l'église entre. You will soon discover that nobody else up there. Vous découvrirez vite que personne d'autre là-haut is without it. Est sans ça. Everybody up there is with it. Tout le monde là-haut le porte. This one you cannot get in your Christian TVs. Ceci, vous ne l'aurez pas sur vos télévisions chrétiennes. Where there is money, what, fundraising and name it is happening there. Où il y a l'argent, quoi, collecte de fonds, et nommez-les, qui se passe là. Money, marathons, telephones, name it, whatever you call it. Marathon d'argent, téléphone, nommez-les, quel que soit le nom que vous leur donnez. Diminished the authority of the gospel. Qui diminue l'autorité de l'évangile. That is something else. C'est quelque chose d'autre. I'm now talking about the restoring of the authority of the blood of Jesus to the church. Je parle maintenant sur la restauration de l'autorité du sang de Jésus dans l'église. That when other people look at the church, que lorsque d'autres gens voient l'église, now they can talk. Now they can have a medical conference. Maintenant, ils peuvent parler. Maintenant, ils peuvent avoir une conférence médicale. And they talk about this ministry and the number of people who have been healed from HIV/AIDS and they have tested. Et ils parlent de ce ministère et du nombre de personnes qui ont été guéries du sida et ils les ont testées. Now they can meet and talk about it. Maintenant, ils peuvent se rencontrer et parler de ça. By themselves. Par eux-mêmes. In other words, en d'autres termes, is now saying that the authority is restored. Il dit maintenant que l'autorité est restaurée. All religions now fear. Toutes les religions maintenant craignent. Be careful. Attention. Authority of the church. L'autorité de l'église has to be restored. Doit être restaurée. That is now when the authority has been restored. C'est maintenant quand l'autorité a été restaurée. Everybody now knows, tout le monde maintenant sait, that is righteousness. C'est la justice. They look at the church. Ils voient l'église. And they want to worship our God. Et ils désirent adorer son Dieu. Even Israel is waiting for the church. Même Israël attend l'église. When will the church get her act together? Quand l'église mettra ses œuvres ensemble. That they may come to the Lord Jesus. Pour qu'ils puissent venir au Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Otherwise the church will have the same witch doctors like the world. Sinon l'église aura les mêmes sorciers que le monde. Saying put here, get here, put here, get here. Disant mets-le là, reçois-le là, mets-le là, reçois-le là. Non. Non. I'm talking about the blood. Je parle du sang. Restoring the authority of the blood of Jesus in the church. Restaurant l'autorité du sang de Jésus dans l'église. Hallelujah. Hallelujah. So one other citizen of heaven, Revelation 6:11. Donc d'autres citoyens des cieux, Apocalypse 6:11. 6:11, he says the following. 6:11, il dit ce qui suit. He says. Il dit. Then each of them was given a white robe. And they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Puis il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. That's another group. C'est un autre groupe. These are now the ones that go through the horrendous time. Ce sont maintenant ceux qui passeront par le temps horrible. That I know of. À propos de qui je sais quelque chose. But when they are about to go, mais quand ils sont sur le point d'aller, they are wearing fine linen, bright and clean, was given them to wear. Ils portent du fin lin éclatant et pur qui leur a été donné pour se vêtir. The book of Acts, chapter 1. Acts, chapter 1. Le livre des Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. 10 and 11. 10 et 11. The book of Acts, chapter 1, 10 and 11. Le livre des Actes, chapitre 1, 10 et 11. Hallelujah. Alléluia. They were looking intently up into the sky as he was going. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, when suddenly two dressed in white stood before them, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux. And said, "Men of Galilee," they said. Et dirent, hommes de Galilée, dirent-ils. Why do you look up here so intently? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Why do you look so confused? Pourquoi avez-vous l'air si désorienté? Why are you so perplexed? Pourquoi êtes-vous si perplexe? So much in distress. Tellement dans la détresse. Why this much fear? Pourquoi tellement de peur? Know ye not that this same Jesus? Ne savez-vous pas que ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous de cette manière reviendra in the same way. De la même manière. Another group of citizens, when they came to address in what? Fine linen. Bright and clean was given them to wear. Un autre groupe de citoyens, quand ils sont venus, ils étaient habillés comment? Du fin lin éclatant et pur leur a été donné pour se vêtir. That's how they were dressed. Voilà comment ils étaient habillés. And by the way, in the taking of the church, et au fait, lors de l'enlèvement de l'église, the church will not be taken like this. L'église ne sera pas prise comme ça. They are all gathered towards one corner where the portal is. Ils sont tous rassemblés vers un endroit où est le portail. There is so much information I know. Il y a tellement d'informations que je connais. He that speaks with you here. Celui qui parle avec vous ici. They are all actually pulled to one corner where the portal is. Ils sont tous en fait tirés à un endroit où est le portail. And that's where they are taken from, and the cloud covers them in. Et c'est là où ils sont emmenés, de là où la nuée les couvre. Another group of citizens. Can you read another one and finish this? Un autre groupe de citoyens. Pouvons-nous en lire un autre et finir ça? Alléluia. Alléluia. The book of Revelation, chapter 7, verse 9. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Revelation 7, 9. Apocalypse 7, 9. He says the following. Il dit ce qui suit. He says, after this, I looked and there before me was a great multitude. Après cela, je regardais et voici une grande foule. That no one could count. Que personne ne pouvait compter. From every nation, tribe, peoples and language standing before the throne and in front of the Lamb. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. They were wearing white robes. Ils étaient vêtus de robes blanches. This garment of righteousness I come to announce to the church. Ce vêtement de justice que je viens annoncer à l'église is a must have. C'est un devoir de le porter. For you to enter that kingdom. Pour que vous entriez dans ce royaume. Now you understand why the list, the ledger. Maintenant, vous comprenez pourquoi la liste, le grand livre, the register that God has authored, le registre que Dieu a écrit, the book of life, le livre de vie, that contains the list of citizens of heaven, qui contient la liste des citoyens des cieux, this garment is what sustains your name there, because ce vêtement est ce qui maintient votre nom là. He cannot hide you. Il ne peut pas vous cacher. He cannot say, I'll just hide you. Il ne peut pas dire, je veux juste te cacher. Even if you wear another one, I can hide you in there. Même si tu t'habilles autrement, je peux te cacher là-dedans. No. Non. Everybody who enters heaven, this is a must-have. Tout le monde qui entre aux cieux, C'est un devoir de l'avoir. You must wear righteousness. Vous devez porter justice. Righteousness is a must now. Justice est un devoir maintenant. Ask yourself. Demandez-vous à vous-même. As a man. Comme homme. Pastor, a woman, a daughter of the Lord, a son of God. Pasteur, femme, fille du Seigneur, fils de Dieu. Ask yourself, what is it that I'm doing that is actually besmirching this garment? Demandez-vous à vous-même, qu'est-ce qu'il y a que je fais qui en fait ternit ce vêtement? That is tainting this garment. Qui colore ce vêtement? I think that's a beautiful place for you to go to begin. Je pense que c'est un bel endroit pour vous pour commencer. What am I doing that is actually tainting, staining the garment? Qu'est-ce que je fais qui en fait colore, tache le vêtement? Is there anything that makes your identity similar to the world? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui rend votre identité similaire à celle du monde? So you are abusing the grace. Donc vous abusez de la grâce. Alléluia. Alléluia. This is the hour. C'est l'heure of the garment. Du vêtement. But moreover, Matthew 22, if you read verses 1 to verse 14. Mais de plus, si vous lisez Matthieu 22, verset 1 à verset 14. The coming of the Messiah, the kingdom of God. La venue du Messie, le royaume de Dieu. Is like a king. Est comme un roi. Who prepared a banquet for his son. Qui prépare le banquet pour son fils. And then he says, et ensuite il dit. When he sent his servants to go tell those for whom. Quand il envoie ses serviteurs aller dire à ceux pour qui that banquet was prepared. Ce banquet a été préparé. Some said, no, I'm busy going to their field. Certains ont dit, non, non, je suis occupé, allant à leur champ, going to the business. Allant à leurs affaires. And they did not come. Et ils ne sont pas venus. And then he says, then he sent them to the street corners. Et ensuite il dit, alors il les a envoyés au coin des rues. Street corners. Au coin des rues. To look for anybody there whom they could get. Pour voir n'importe qui là-bas qu'ils peuvent inviter. You need to understand this. Vous avez besoin de comprendre cela. At the street corners. Au coin des rues. You know the type of people there. Vous savez, les sortes de gens là-bas. They are normally the drunkards, the prostitutes, what, you know the whole group. C'est normalement les buveurs, les prostituées, quoi. Vous connaissez tout le groupe. In the street corners, the drug addicts. Au coin des rues, les dépendants de la drogue. In that statement, as you're going to see very briefly. Dans cette étape, nous allons voir très brièvement. He was actually talking about the gospel was brought to the people, the title holders, the ones who had the title. Il parlait en fait de l'évangile qui était amené aux gens qui étaient les tenants du titre, ceux qui avaient le titre. The title holders was Israel. Ceux qui tenaient le titre étaient Israël. And Israel rejected it. Puis Israël l'a rejeté. Now the church needs to be careful. Maintenant, l'Église a besoin de faire attention. This church. Cette Église. Because you are the ones that took the gospel of the grace. Parce que vous êtes ceux qui ont pris l'évangile de la grâce. You are the ones that took it. Vous êtes ceux qui l'ont accepté. In other words, we can say you are the title holders for the kingdom. En d'autres termes, vous pouvez dire que vous êtes les tenants du titre pour le royaume. You are the people going to inherit the kingdom. Vous êtes les gens qui vont détenir le royaume. But he's saying this to you. Mais il vous dit ceci. Now you need to be careful. Be careful now. Maintenant, vous avez besoin de faire attention. Faites attention maintenant. The Bible has a way of always coming back to you. La Bible a une manière de toujours revenir à vous. Listen to this now. Écoutez ça maintenant. The same church, la même Église, that have now been the beholders of the titles, qui a maintenant été la détenante des titres, the title of the gospel, le titre de l'Évangile, they are the bona fide. Ils sont les authentiques. Be careful now. Attention maintenant. Because when the announcement comes now, parce que quand l'annonce vient maintenant, prepare. Préparez-vous. I have seen the wedding rings. J'ai vu les bagues de mariage. Prepare. I've seen the church enter and so forth. J'ai vu l'église entrer, etc. They say, no, no, no, I'm very busy. Disons, non, non, non, non, je suis très occupé. They are not here. Ils ne sont pas là. Some of them say, no, no, no, I don't like that man because he rebukes money. Certains d'entre eux disent, non, non, non, non, je n'aime pas cet homme parce qu'il réprimande l'argent. And I need money. We need money for ministry. Et j'ai besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour le ministère. And then mine is to tell them. Et ensuite, je leur dis, you are a liar. Tu es un menteur. You don't need money for ministry. Tu n'as pas besoin d'argent pour le ministère. But you need the anointing of the Holy Spirit. Mais tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. You are a liar. Tu es un menteur. So, that scripture applies to the church too. Ce texte s'applique à l'église aussi. He says, be careful. Il dit, faites attention. Because for us, when Israel rejected, let me go back to Israel. Parce que pour nous, quand Israël l'a rejeté, laissez-moi retourner à Israël. When Israel rejected it, quand Israël l'a rejeté, then they went to the street corners and got the Gentiles. Alors, ils sont allés dans les coins de rue et vont vers les gentils. But now, mais maintenant, be careful, you that have been beholders of the title. Attention, vous qui avez été les détenants du titre. Because now, parce que maintenant, you have also developed an immunity to the gospel. Vous avez aussi développé une immunité à l'évangile. You are immune to the announcement. They are not here. Vous êtes immunisé à l'annonce. Ils ne sont pas là. If this is talking about the eternity, si cela parle de l'éternité, if God from heaven, si Dieu des cieux has sent me God, the God of the nation, m'a envoyé Dieu, le Dieu des nations, the God of the earth, the creator, le Dieu de la terre, le créateur, has sent me here to announce the coming of the Messiah, m'a envoyé là pour annoncer la venue du Messie. Unless you're worshiping another God. Sauf si vous adorez un autre Dieu, you ought to obey. Vous devez obéir. Sometimes the pastores principales in Spanish, the principal pastor says, no, no, no, no. Quelquefois, le pasteur principal dit, non, non, non, non, non. They have kingdoms. Ils sont du royaume. So, they cannot hear God anymore. They have outgrown God. Donc, ils ne peuvent plus entendre Dieu. Ils sont hors du terrain de Dieu. Be careful with this scripture here. Attention avec ce texte ici. Be careful with this scripture here. Attention à ce texte ici. When the announcement came, they were not available. Quand l'annonce est venue, ils n'étaient pas disponibles. So, no, no, no, we have a wedding. Ils ont dit, non, non, non, nous avons un mariage. No, I have a function. In fact, I also have a conference in my church. J'ai une fonction. En fait aussi, j'ai une conférence dans mon église. But if Jehovah has sent his messenger here, mais si Jéhovah a envoyé son messager ici, let us see between you and Jehovah who is wiser. Voyons, entre vous et Jéhovah, qui est le plus sage? You don't want to be in that corner. Vous ne désirez pas être dans ce coin. Alléluia. Alléluia. The heavenly hosts, les hôtes célestes, were coming with him, dressed in fine linen, bright and clean, was given them to wear. Venaient avec lui, habillés de fin lin, éclatant et pur, qui leur a été donné pour se vêtir. One group of citizens of heaven, un groupe de citoyens des cieux, are wearing this garment, revêt ce vêtement, the garment of righteousness, le vêtement de justice, that you may know that this garment is a must, que vous puissiez savoir que ce vêtement est un devoir, for the church to enter. Pour que l'église entre. Nobody else up there, personne d'autre là-haut, is without it, est sans ce vêtement. Everybody up there is with it. Tout le monde là-haut le porte.